J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et bienvenue dans ce 31e plutôt, ça commence super bien, numéro de Comics Discovery. On revient en direct après, je crois que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait de direct, et encore une fois, la plupart de l'équipe est tombée au champ d'honneur, puisque Mathieu n'est pas là, puisqu'il était en vacances, donc merci, petite pensée pour toi Mathieu. Thomas n'est pas là parce qu'il a des répétitions de théâtre, voilà. Faye malheureusement ne pourra peut-être plus faire l'émission puisque pour des raisons personnelles qui la regardent, et on lui souhaite bonne continuation et tout ça. Par contre, il est avec moi Johnny. Salut Johnny. Salut. Et quelqu'un qui a eu la gentillesse de remplacer tout ce beau monde au pied de la lettre, c'est Maxime. Salut Maxime. Salut James. Que vous connaissez si vous avez déjà écouté les anciennes émissions, puisque tu es un ancien de l'équipe. C'est ça. Et on va commencer directement en news. Et on va commencer ces news avec ce que j'appellerais le reboot dont on ne voulait pas, puisqu'on vous avait déjà parlé d'Hellboy dans l'émission, notamment de ces deux films par le très talentueux et très cool Guillermo del Toro, et je vous avais déjà annoncé que l'éventuel Hellboy 3 ne se ferait finalement jamais, puisqu'il avait annoncé que Ron Perlman ne pouvait plus et que finalement ça se ferait pas. Mais Mac et Mignola, le créateur d'Hellboy, a annoncé il y a peu que le personnage serait bientôt de retour au cinéma avec une nouvelle un nouvel opus et un nouveau reboot, cette fois plus de Guillermo del Toro à la production, mais qu'est-ce que c'est Neil Marshall qui va reprendre les rênes. Donc Neil Marshall, à qui on doit plusieurs épisodes de Game of Thrones et The Descent, un film d'horreur dont j'ai pas trop entendu parler et qui avait pas l'air génial, mais pourquoi pas, à la place de Ron Perlman, oui, parce que lui aussi quitte le navire. C'est David Harbour, que vous avez peut-être vu dans Stranger Things, qui faisait le shérif dans Stranger Things, qui va prendre le rôle, et le titre provisoire du film est Hellboy Rise of the Blood Queen. Donc voilà, est-ce que ça vous parle tout ça? Oui, il y a un personnage en particulier de l'univers d'Hellboy qui, comment dire, elle apparaît très très très très tard dans la BD, du coup je doute que ce soit ça, parce que pour pouvoir la mettre en scène correctement, il faudrait qu'ils arrivent à caser des dizaines d'années de lore et de développement de personnages pour arriver à la faire. Mais disons que s'ils arrivent à faire un reboot qui sonne un peu comme une aventure typique d'Hellboy, ça pourrait être sympa. Apparemment, ça a l'air beaucoup plus horrifique et beaucoup plus dans l'esprit un peu du comics des moins grandes aventures un peu comme il y avait. Ouais, justement, j'espère que c'est l'angle qu'ils vont prendre en fait, parce que tant qu'à faire, autant changer un petit peu. Ouais, bah oui. Et en fait, la grosse question que je me pose, c'est à quoi va ressembler l'acteur avec le costume sur le dos. Oui, en rouge. Voilà, j'attends de voir sa tête et j'attends de voir la photographie en fait. Mais Ron Perlman avait tellement la gueule pour le rôle. Ouais, c'est ça. C'est pour ça justement, j'en parlais avec d'autres personnes et le consensus général c'était que le niveau de technologie a tellement évolué maintenant, il doit y avoir moyen de mixer effets réels avec des vrais costumes, des marionnettes et tout, et mettre un petit peu de motion capture par-dessus ça, pour pouvoir justement accentuer sa mâchoire ou ses yeux, changer la couleur des yeux par exemple, parce que l'ancien Hellboy film, il avait des yeux humains avec des pupilles, alors que le Hellboy de la BD, il a des yeux tout jaunes. Ses pieds sont des sabots dans la BD, dans le film il a des chaussures, enfin c'est des petits détails comme ça, mais il y a moyen justement de pousser encore plus le côté monstre finalement du personnage. Moi, et de l'univers autour. J'espère qu'ils vont garder l'état d'esprit qu'avait un peu Del Toro, avec le côté quand même où il y avait beaucoup d'animatronique, il y avait un univers quand même un vrai univers derrière tout ça. Et j'espère qu'ils vont quand même garder ça. Ouais, pareil. Et ce serait dommage parce que vraiment, moi je suis triste quand même parce que j'aimais beaucoup Del Toro et voilà. Et Maxime, t'as un petit avis sur le... J'étais un peu passé à côté de la news et parce que dans ma tête il allait continuer à le faire parce qu'il avait fait un tweet il y a 3 semaines, un mois. Non, il a dit qu'il y aurait, ça fait justement les 3 semaines, un mois qu'il a dit qu'il n'y aurait rien. Parce que du coup il avait dit, si vous retweetez je sais pas combien de fois je vais voir. Ah oui, du coup il avait fait ça et il était allé voir les studios et finalement ils lui ont dit que non, c'était pas possible. Ah. Donc voilà, je viens de casser tes rêves pendant... Je suis désolé. Mais c'est un peu comme tout, un peu les trois quarts des projets de Del Toro finalement. Personne les veut, ouais. Ouais, personne les veut, ça tombe à l'eau et c'est peut-être qu'il a, il arrivera enfin à faire les montagnes hallucinées qu'il veut faire depuis des années et qui font franchement, ce serait le mec parfait pour faire les montagnes hallucinées. Pourquoi pas. Donc ça te hype un peu. Bah, je sais pas. Du coup, t'as parlé de Milo, je me dis s'il est dans le dossier. Enfin, c'est lui qui, il est, enfin, il est pas tout seul au scénario, mais il fait partie de. Ouais, du puis tu vois, s'il a un peu la main dessus, ça peut être cool, je pense. Ouais. J'aime bien ce qu'il fait. Ouais, moi aussi. Du moment qu'il fait le design, c'est bon en fait. Mm. Parce que ce qui faisait la magie des anciens films, c'était le mix, justement, parce que Del Toro et Mignola s'entendaient vraiment bien, aussi bien au niveau du scénar qu'au niveau des designs en fait. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été dessinés par Mignola lui-même. Et s'il arrive à avoir une alchimie, pas nécessairement la même, mais une alchimie qui fonctionne avec le nouveau réalisateur, on peut avoir un bon truc. Hein. Pourquoi pas ? Eh bien, on va passer à une autre news. Et je vous en ai parlé déjà plusieurs fois et vous avez ce nom a dû résonner dans votre tête plusieurs fois si vous avez écouté Comics Discovery depuis le début. C'est la nomination de tous les gens pour les Eisner Awards. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, les Eisner Awards, c'est un prix qui est nommé depuis qui est nommé d'après Will Eisner, donc qui est le créateur de The Spirit, qui est un grand nom du comics, et c'est un peu les Oscars ou les palmes d'or du comics. Donc si une série ou un auteur obtient un prix là-bas, souvent c'est pas pour rien et souvent c'est de bon augure par rapport à la qualité du truc. Souvent c'est des trucs très très indés, donc des trucs qu'on verra jamais en France parce que c'est pas publié en VF. Mais bon, je vais pas vous lister tous les nominés parce que ça durait 2 heures et c'est du name dropping pour rien, mais j'ai relevé 2-3 trucs qui étaient intéressants, notamment dans les meilleurs ongoing. Donc ongoing, c'est les séries qui continuent tout le temps, quoi, qui ne s'arrêtent pas encore tous les mois. Ouais, ouais. Il y a Paper Girl de Brian Kevogan et Cliff Chiang, donc ça on en a parlé dans l'émission, vraiment c'est un coup de cœur pour la plupart des gens autour de... Tu l'as pas lu, je crois? Non, je l'ai pas lu. Je sais que Johnny l'a lu et ouais. Que quand j'ai demandé de me citer ce qu'il avait à retenir des Eisner Awards, il m'a dit Paper Girls. Donc voilà. Il y a une autre série de Brian Kevogan, c'est Saga de Brian Kevogan et de Fiona Staples, mais ils ont pas déjà eu un truc Si, il me semble. Après c'est mérité, ils pourraient en avoir un tous les ans. Ouais, c'est vrai que c'est cool, Saga. Il y a The Mighty Thor de Jason Aaron et Russell Dauterman. Je pense que Juni, tu peux en parler vite fait, The Mighty Thor, non? Étant donné que j'ai pas particulièrement aimé, non. Ah, t'as pas aimé, je crois que t'avais bien aimé. Non, j'ai commencé, ça m'a... En fait, le personnage m'intéressait pas des masses, et je devais être maudit, j'ai l'impression, mais à chaque fois que je commençais un bouquin, ça tournait essentiellement autour de c'est une meuf, elle a le marteau de Thor, et tout le monde l'a fait chier à cause de ça. Ah oui, tu m'en avais parlé. Et voilà, au bout d'un moment, c'est assez gonflant, et du coup, ça fait un petit moment, justement, j'en parlais à Faye, que je veux m'y remettre et choisir justement les histoires où ça tourne pas autour de ça, où elle a des aventures qui ont strictement rien à voir, parce que je trouve le concept cool en fait. Oublie Mighty Thor, parce que du coup j'en suis genre au numéro 14 peut-être, et c'est encore ça, genre là Odin il veut lui péter la gueule, parce que c'est une fille, elle a le marteau de Thor. Ça n'a strictement aucun... Bon bref, c'est discussion de nerd. Ouais, donc dans les meilleures séries militées, vous avez Han Solo de Marjorie Liu et de Mark Brooks, et je l'avais sélectionné s'il y avait Faye ou s'il y avait Mathieu pour parler de Star Wars. Et voilà, je vous fais des appels du pied de Star Wars, et vous n'êtes même pas là pour en parler. Mais peut-être que Maxime peut en parler, puisqu'il a un t-shirt Star Wars sur lui. Et en fait, tu ne l'as pas lu du tout. Non, je ne l'ai pas lu du tout. Mais c'est pas sorti en VF encore. Donc non, c'est pas sorti en VF encore. Mais Mark Brooks, je crois que c'est très très très joli. Moi j'aime bien ce qu'il fait, Mark Brooks. Donc oui, pourquoi pas. Il y a The Vision de Tom King et de Gabriel Huerta, dont j'arrête pas d'en entendre parler en disant lis ce truc. Faut que je mette la main dessus, parce qu'apparemment c'est génial. Ouais. Mais il faut que je le lise. Donc voilà, quand j'aurai le temps de le lire, je le lirai. En tout cas, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a de très très bons retours dessus. Et en plus, si c'est nominé au Eisner Award. Et puis il y a une palette graphique qui est vraiment pas mal. Enfin, j'aimais beaucoup le parti pris esthétique. J'ai vu que les covers, donc je pourrais pas te dire. Est-ce que t'as vu un peu d'intérieur ou tu peux, Ouais, j'ai vu. Alors, j'ai pas encore lu la série en entier, mais je suis une chaîne YouTube en fait avec un gars qui décortique des pages de comics. Et il a fait une vidéo dédiée à ce bouquin, à un chapitre du bouquin. Et. Il mettait l'accent en fait sur tous les petits détails. C'est parce qu'en fait, apparemment, The Vision, ça tourne essentiellement autour de la vie de famille du personnage. Ouais. Donc il y a pas de scène d'action, il y a pas de monstre qui attaque ou quoi. C'est juste lui, sa femme, sa fille, si je me souviens bien. Et justement, dans cette vidéo, il montrait le parallèle entre eux qui sont des robots et leurs voisins qui sont des humains, et comment la vie de famille en fait de ces robots est pourrie. Comment on appelle ça encore, ennuyeuse au possible, et c'est que dans les petits détails. On dirait un film indépendant façon drama, où en fait tu regardes l'agencement de la maison, les types de décors qu'ils ont à l'intérieur, pour découvrir qu'en fait la femme elle est malheureuse et le mari il est froid. Enfin, c'était vachement bien fait. Ok, Bon bah encore un titre que nous conseillons. Donc dans les nouvelles meilleures séries, il y a Deathstroke Rebirth de Christopher Priest et Carlo Pagualayan. Je suis désolé si j'ai écorché votre nom. On a lu le premier issue dans l'émission Rebirth qu'on a fait il y a quelques semaines. Moi j'avais bien aimé le premier issue et apparemment la série est vraiment cool. En plus elle est nominée, donc pourquoi pas. Enfin je sais plus quand sort le. Je crois que ça sort dans Suicide Squad Rebirth le kiosque, donc vous pouvez aller. Suicide Girl c'est autre chose. Oui, ouais. Suicide Girl c'est autre chose, mais je suis désolé. N'allez pas taper. Si vous avez moins de 18 ans, n'allez pas taper ce genre de choses sur. Le lapsus révélateur. On va arriver au leak des photos de certaines personnes. Attention. tu veux en parler en news peut-être. Non, ça va. Sinon il y a Face, la série de Valiant, donc de Jody User avec Per Perez et Marguerite Sauvage au dessin. J'ai lu ça, c'était vraiment c'est assez sympathique. J'espère pouvoir vous en parler plus longuement dans une émission peut-être au mois de juin, où on va peut-être faire un mois spécial super-héroïne ou héroïne en comics. On ne sait pas, voilà, teasing. Est-ce que vous avez jeté un œil à Face, Juni? Non, je sais que ça existe. J'ai vu la couverture avec Hillary Clinton dessus. Et non, pour l'instant, j'ai pas encore touché. Toi, tu n'en as plus. Bon, Marguerite Sauvage, c'est une petite française, donc cocorico. C'est cool d'avoir des dessinatrices françaises nominées au Eisner Award. Et il y avait une série que j'ai sélectionnée juste pour Johnny, juste pour qu'il râle. C'est Mockingbird de Chelsea Kane et de Kate Mienzkiewicz. Non, je vais pas râler. J'ai pas de raison de râler. C'est pas suffisamment important dans ma vie pour que je râle. D'accord. Non, c'était, comment dire, j'avais trouvé ça un peu démagogue sur les bords, certains éléments du scénario. Mais après, je laisse les gens. Le fait que ce soit nominé, ouais. Et tu crois que ça non, mérite ça à la limite, ça me perturbe pas particulièrement. Après, est-ce que ça mérite ou pas, comment dire, il y a des gens beaucoup plus développés que moi dans le, ouais, dans pour le milieu pour le décider à ma place, quoi. Je suis pas un spécialiste. Ok. Bon, bah, pas de. Ouais, après, la question que je me pose, c'est si c'est pas un peu comme les Oscars où il y a, tu sais, il y a toujours un film où il est là parce qu'il parle d'un sujet particulier, oui, qui est très en vogue dans le politiquement correct, et je me demande si c'est un peu le cas là, enfin bon. Pour les gens qui le savent pas, Mockingbird c'est une série qui a été malheureusement arrêtée, enfin malheureusement j'ai pas lu la série, donc une série qui a été arrêtée pour des raisons qui moi j'ai trouvé ça un peu dégueulasse. Ça a été arrêté parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé sur Twitter parce qu'elle elle parle beaucoup de féminisme. Ça a été arrêté parce que ça vendait pas assez, c'est tout. Il y a eu tout un buzz autour parce que voilà, les gens disaient oui c'est la faute des sexistes, etc. C'est juste que ça vendait pas assez. C'est comme Nova qui a arrêté de vendre parce que ça vendait pas assez. Marvel décide, ils ont un quota de vente. Si tu lui fais pas les ventes, ben ils t'arrêtent. En tout cas, Chelsea Kane avait dû arrêter, enfin fermer son compte Twitter parce qu'elle recevait trop d'insultes et trop de trucs. C'est vrai que même si c'est peut-être une scénariste pas géniale, c'est quand même dégueulasse de recevoir des menaces de mort et de ce genre de trucs sur Twitter. Donc pour ça, je pensais que c'était intéressant de peut-être soulever la question. Et le dernier truc que j'ai relevé, c'est dans les meilleures publications pour adolescents, et c'est une série spécialement pour Maxime, c'est Bad Girl de Hope Larson et de Raphaël Albuquerque. Je pense que n'importe quel titre avec Raphaël Albuquerque peut être nominé parce que Raphaël Albuquerque est un super dessinateur. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Bad Girl, toi qui es si fan du personnage de Bad Girl? J'ai pas lu parce qu'il est toujours pas sorti en VF. Ah ouais. Mais le peu que j'ai vu en VO, ça me donnait pas envie. Ah ouais. J'avais beaucoup préféré. Je crois que t'aimes pas Albuquerque, toi. Non, déjà, j'aime pas Albuquerque. Et j'avais préféré le côté teenage de quand il y avait Babstar, Brandon Fletcher et Cameron Stewart. C'est ce que je préfère en fait. Vraiment pour adolescent, autant que tu tapes dans la teenage et qui regarde les Fred Scott, c'est pour moi, je suis public. Par contre, tu vois, Raphaël Albuquerque, c'est moyen, tu vois. D'accord. Bon, bah, c'est une un peu plus pour adultes du coup. Parce que si vous connaissez pas Raphaël Albuquerque, vous pouvez lire par exemple American Vampire, qui est vraiment génial, avec lui dessus. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du Scott Snyder. Et du coup, je crois que je vais redire encore une fois Raphaël Albuquerque, c'est vraiment cool. Allez lire American Vampire. Et on passe à une autre news. Et je vais vous parler d'un énième réalisateur sur le film Flash. Je pense que c'est au moins le sixième qui est sur le film. Il n'y en a pas eu tant que ça. Non, il y en a eu. Je crois qu'il y en a trois en fait qui ont quitté le projet. Alors que Warner s'embourbe dans les problèmes de production. C'est la sixième fois qu'ils refont le scénario. Je crois qu'il avait été pitché par Phil Lord et Chris Miller. Ouais, c'est ça. Phil Lord, c'est ceux qui ont fait le Lego Movie. Lego Batman donc Et ils font un animé Ultimate Spider-Man avec Miles Morales. Ouais. Ouais, je crois qu'ils ont avancé la date. Et il y a Donald Glover dedans. Ouais, et une autre chose que j'ai pas noté, mais c'est Donald Glover qui va avoir sa propre série Deadpool. Ça c'est cool quand même, parce que Donald Glover c'est pas n'importe qui, donc je trouve ça cool. Donc on revient sur le réalisateur sur Flash, donc n'en finit pas de s'emmerder avec ses problèmes de production, et c'est Robert Zemeckis, le réalisateur de la saga culte Retour vers le futur, qui va arriver sur le projet. C'est des grosses rumeurs, apparemment il est que en discussion pour l'instant. Donc moi je trouve que ce serait pas mal d'avoir pour un film qui a autant de problèmes de production, une grosse pointure comme Zemeckis qui a vraiment un parti pris graphique et qui est vraiment à lui, avec un univers qui est vraiment à lui, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Voilà, j'ai retrouvé le film dont je pensais tout à l'heure, c'est La Légende de Beowulf, qu'il avait fait tout en images de synthèse, qui était vraiment très très sympa. Retour vers le futur, c'est super cool. Flight, qu'il avait fait avec Denzel Washington, est vraiment cool aussi. Donc c'est un réalisateur qui se fait moins parler de lui ces derniers temps, mais qui est quand même assez sympa. Donc moi ça me hype un peu. Est-ce que vous avez un avis sur cette news? Laissez mourir Flash. Laissez mourir votre univers. Mais non, Flash, on passe à... Renvoyez-le dans la Speed Force. C'est une autre news. Et c'est Geoff Johns qui annonce Doomsday Clock, donc alors que la fin du mystère autour du bouton du comédien qui est retrouvé dans la Batcave, et c'est en train de se résoudre aux US avec le Flash numéro 22, le scénariste et directeur de DC Entertainment a annoncé une nouvelle série qui s'appellerait Doomsday Clock, qu'il écrira lui-même et qui sera dessinée par Gary Frank, avec qui il a fait déjà Batman Earth One, et on retrouvera au centre de ce récit le Docteur Manhattan, et comme l'annonce un peu le visuel, puisqu'il y a un petit visuel avec comme dans Watchmen, une horloge de l'apocalypse, où à la fin, au lieu du 12, et vous avez un petit signe de Superman. Donc c'est une série autour de Dr. Manhattan et Superman. Moi ça me hype un peu parce que Geoff Johns c'est un grand scénariste, et j'aime bien Gary Frank, donc pourquoi pas. Et toujours pas de... Non. Si, quand on n'a pas d'idée, je sais pas, on va aller chez DC, on fait des crossovers un peu nuls. Non mais c'est voilà. Vraiment ça. Ok, merci, vous me plombez ma news. Bah, c'est-à-dire que, c'est pour les gens qui viennent à peine d'arriver dans l'univers, enfin dans les lecteurs de comics, ils ont pas l'habitude de ça, mais quand t'as lu des comics, jusqu'à les années 60, jusqu'à maintenant, forcément t'es passé par ton quota de crossover, et tu vois en fait les signes de quand ils savent pas trop quoi faire et qu'ils ont envie de mixer un peu des personnages ensemble pour essayer de relancer l'intérêt. Sans parler de ça, tu vois, genre, tu commences Rebirth, c'était il y a un an. Et là tu balances le crossover avec Watchmen. Genre le truc qui est, c'est un peu la bible pour tout le monde. Et genre tu t'attaques à ça, tu dis on va faire Batman contre le comédien. Et là t'es là. Ou contre Rorschach, et t'es là tu fais c'est ça quoi. Pourquoi pas, j'ai foi en Geoff Johns. Non mais voilà, c'est pour ça, je dis pourquoi pas. Après moi j'attends de voir l'exécution en gros. Mais je peux pas développer d'excitation comme ça juste parce qu'il y a marqué Manhattan sur la couverture. D'accord. En tout cas, tout le monde a lu Rebirth autour de la table, le récit de Geoff Johns. Et franchement, même c'était cool, même si le parti pris est un peu facile. Non, pas de... Je suis pas fan de Rebirth. Enfin, j'aime bien, mais c'est... C'est moyen, je trouve, pour relancer un univers. Il y a une feuille dans le temps. Comme d'hab. D'accord. On s'en dit, on va faire de la nouveauté, c'est une renaissance et tout. Alors que tu fais pareil que ce que tu as fait il y a 10, 15, 30 ans. Ouais, mais c'est comme ça avec Marvel aussi. Hein. Enfin, je critique pas. Non, ce que je veux dire en fait, c'est que c'est l'habitude. Et en plus, comme ils ont toujours tendance à te faire une grosse annonce en disant cette fois-ci ça va tout changer, les choses vont plus jamais être comme avant. Et en fait, c'est un espèce de soft reboot où tu démarres avec un nouveau perso. Il y a marqué numéro 1, mais techniquement, c'est toujours 15 ans après le début de sa carrière. Du coup. Ah oui, je me rappelle avoir suivi le live Twitch, j'étais comme un fou, j'envoyais des screens à James et puis maintenant c'est un peu retombé. Je me dis putain, j'étais un peu bête. En même temps, t'as lâché les comics en même temps donc. Non, enfin oui, mais à l'époque, je me rappelle, j'étais comme un fou et puis là. Bon, comme il est 19, on va passer. Maxime avait deux news. On s'en fout un peu, c'était pas fou. On va passer sur les sorties de la semaine. J'ai noté 4 trucs qui pouvaient être intéressants. Vous avez All New Captain America de Rick Remender et Stuart Immonen pour 15€. Steve Rogers n'est plus Captain America. Il adoube alors son allié de longue date, Sam Wilson, pour reprendre le costume. C'est les débuts des aventures du tout nouveau Captain America. Et Mathieu. Nous avait dit que c'était pas mal, donc pourquoi pas, si vous avez envie de lire un peu de Captain America. Préférez celui qui précède. Celui qui suit, pardon. Ah oui, tu avais dit que c'était que des stand-alone. C'est un peu que des stand-alone. C'est Captain America se bat contre l'Hydra à Tahiti. Il se bat contre, dans la jungle. Alors que celui d'après est plus politique. J'ai préféré l'autre. D'accord, bon, pourquoi pas. Moi j'ai pas lu, donc j'ai pas de... T'as lu le Captain America avec Sam Wilson? Non, il m'a pas intéressé particulièrement en fait. Ok, un autre truc qui, bon, je pense que ça va autant nous faire parler, c'est Écuriette contre l'univers Marvel. Donc Écuriette, pour les gens qui ne sauraient pas qui ça c'est, Squirrel Girl, donc je crois tout dans le nom, je sais pas pourquoi moi je trouve vraiment qu'il devrait pas le traduire, donc c'est pas grave. C'est de Ryan North et de Erika Anderson pour 18€, et c'est Doreen Green, aussi connue comme Écuriette, une héroïne forte, intelligente et volontaire qui a déjà vaincu Thanos, Fatalis et Kraven. Oui, effectivement. Et c'est pas pour rien qu'on la surnomme l'imbattable Écuriette, mais pour vaincre son nouvel adversaire, elle va devoir se creuser la tête. Ce n'est pas tous les jours qu'on s'affronte soi-même, ou en tout cas un double magnifique, ce qui est un peu plus ou moins la même chose. Donc si vous avez envie de découvrir l'univers un peu fun d'Écuriette, pourquoi pas, allez-y pour 18€, ça pourrait être sympa. On va passer à l'autre titre, c'est Cinéma Purgatorio de Alan Moore et Kevin O'Neill. Donc Alan Moore et Kevin O'Neill, si vous ne connaissez pas, donc je pense que tout le monde connaît Alan Moore, si vous avez au moins entendu parler d'Alan Moore, si vous vous intéressez un tout petit peu aux comics, c'est le duo derrière la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et là, en fait, c'est une anthologie où ils ont invité plein d'artistes qu'ils aiment bien, dont Karen Gillan, Mark Brooks, Garth Ennis ou encore Christos Gage. Ça a été financé par Kickstarter et c'est une espèce d'anthologie avec plein de trucs différents pour 26€, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est Wonder Woman Terre 1 de Grant Morrison et Yannick Paquette. Donc c'est les aventures de Wonder Woman sur Terre 1, donc un peu différente de ce que vous retrouverez dans l'univers normal de DC. Donc Grant Morrison, c'est un mec qui est connu pour écrire des trucs cool, même si moi je suis pas toujours fan. Et Yannick Paquette, c'est très très beau, notamment si vous avez pas vu son Swamp Thing de New 52 est très très beau, donc vous pouvez y aller. Et vous voulez, il y a aussi Crossed Terre Maudite tome 10, Greg Rucka présente Wonder Woman tome 2 et Saga tome 7 qui sortent cette semaine. Donc voilà, j'aurais fait toutes les sorties de cette semaine. On va passer à la pause musicale. C'est The Friend Touch NZ Following My Life, un groupe d'amis à Maxime, je crois. Et après, on va vous parler de Titan Rebirth. Following my life, oh, I find my way. I find my way by following the light. Oh, oh, I find my way by following the light. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Et apparemment il a la classe. Oh, c'est dégueulasse. Et c'était, je l'ai noté, c'était French Touch NZ, Following My Life. Vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier. Vous écoutez Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Des comics, ouais. Merci beaucoup. Vous suivez, c'est vraiment cool. Et on va vous parler, comme je vous l'ai dit avant la pause, de Titan Rebirth. Et j'ai pas comme j'ai écrit sur ma feuille Titan, puisque c'est pas la même chose. Mais je vais quand même faire un petit recap sur qu'est-ce que Teen Titan pour les gens qui ne sauraient pas. Alors les Teen Titans, c'est une équipe super-héroïque de DC créée par Bob Haney et Bruno Premiami. Il a un nom marrant. Ok, c'est pas grave. Il était avant Miami, c'est ça? Ouais, il était avant Miami. Composé au départ de sidekicks, des héros les plus emblématiques de la distinguée concurrence. Donc, pour ne pas les nommer, c'est Robin, Kid Flash et Aqualad. Et un peu plus tard, rejoint par le Speedy, le pupille de Green Arrow. Plus tard, encore, ils seront rejoints par un nouveau personnage mystérieux à l'époque qui était Wonder Girl, dont les origines sont restées mystérieuses à un moment. Et on savait qu'elle était liée avec Wonder Man, c'est tout. Et puis après, pour répondre aux X-Men de Marvel, DC a sorti une nouvelle équipe qui, elle, et c'est, je pense que c'est l'équipe qui est la plus emblématique pour les fans, c'est, elle est composée de Robin, Beast Boy, Cyborg, Starfire et Raven. Et c'est un peu l'équipe qui a marqué l'esprit de pas mal de monde. À cause du dessin animé aussi. Ouais, à cause du dessin animé. Moi, malheureusement, c'était un peu la première fois que je disais du Titan. Ou du Teen Titan, j'en avais pas, parce que finalement en VF on en a pas beaucoup quoi. Non, il y en a presque pas. On en a presque pas qui est sorti, donc j'étais content de lire un peu du Teen Titan, ou du Titan pour le coup, mais j'avais connu un peu plus par rapport au dessin animé, et j'ai demandé à Johnny s'il pouvait nous faire un petit topo sur les dessins animés Teen Titan, ça parlerait peut-être un peu plus aux gens. Alors, pour ceux qui regardaient Cartoon Network en 2003-2004, c'est à peu près, la série a commencé aux États-Unis en 2003. En gros, l'idée, c'est que avant ça, il y avait eu l'univers DC fait par Bruce Timm et Paul Dini. Mmh. Et parmi eux, il y avait un gars qui s'appelait Glenn Murakami, qui était d'origine japonaise et qui bossait avec eux sur les comics adaptés des séries et sur les séries elles-mêmes. Et un jour, Warner Bros a fini par lui proposer, fais-nous une série sur les Teen Titans. Et il a décidé de faire donc celle que la majorité du public connaît, c'est-à-dire qu'il a mélangé les influences manga, animé, avec celle du comics et de l'animation américaine. Et ça a donné donc la fameuse série qui avait comme argument principal qui était que le design et les influences mélangées faisaient que c'était très cartoon, mais ils arrivaient à mettre des scénarios extrêmement intelligents et parfois assez sombres. Et par exemple, lorsque j'ai fait découvrir ça à ma petite soeur de 7 ans, les épisodes que j'ai choisis, c'était mes préférés, c'était le double épisode où Robin il est obligé de bosser avec leur arch-némésis de la première saison, à savoir Deathstroke, qui en gros a un intérêt extrêmement poussé sur Robin parce qu'il le considère comme étant son potentiel élève et potentiel remplaçant, un peu comme les seigneurs Sith de Star Wars, genre je t'oblige à bosser pour moi et un jour tu prendras ma place en me tuant. Enfin bon, logique un peu étrange. Et chaque saison en fait arrivait à développer des sous-textes qui étaient assez difficiles à toucher. Par exemple, il y avait dans la saison 3 ou 4, il y avait Cyborg qui devait s'infiltrer dans une école de super méchants. Et il utilise un système holographique qui fait croire qu'en fait il est entièrement humain et que toutes ses parties robotiques sont pas là. Et il y a une scène où Starfire lui fait remarquer que ça rend vachement bien, et avec une apparence entièrement humaine, il est quand même vachement sympa, et elle lui dit je préfère quand même la version originale. Et ils ont réussi en fait, avec le commentaire qu'il fait où il dit c'est ça justement, c'est cette apparence-là, la version originale. Ils ont réussi à trouver un parallèle avec le reste de l'histoire sur le fait d'être noir aux États-Unis et ce genre de choses. Il y a Starfire avec le côté un peu je viens d'une autre planète donc je connais pas votre culture, etc. Il y a Raven avec le fait qu'elle a du mal à s'intégrer dans le groupe, à entrer en contact avec les gens, et chaque épisode en fait arrivait soit à être très sombre et très intelligent, soit au contraire à une espèce d'explosion de fun en permanence, un truc ultra loufoque. Il y a un épisode où ils sont kidnappés par comment il s'appelle encore, un ennemi britannique qui les met dans une espèce de bunker avec des tourbillons qui les hypnotisent et des machines qui les attaquent toutes les 5 minutes. Et l'autre élément fort aussi, c'était la bande-son qui était gérée par un groupe japonais de deux chanteuses qui s'appelaient Ami et Yumi. Et donc avec les voix sur aiguë que a priori les gens qui regardaient la série ont de toute façon reconnu parce qu'elle faisait le générique et il y avait des clips à elle qui apparaissaient à l'intérieur de la série de temps en temps. Donc ouais, ça égalait pas nécessairement la profondeur de séries comme Batman ou Justice League qui étaient faites à peu près à la même période, mais c'était vraiment une très très très bonne série. Et là maintenant ils ont refait une nouvelle version qui s'appelle Teen Titans Go, où ils ont poussé le côté animé encore plus loin, et là il y a beaucoup de gens qui sont très très mécontents de cette série parce qu'effectivement quand tu vires la profondeur de l'ancienne et la qualité des dizaines de l'ancienne, ça peut en fâcher certains, mais pour l'avoir vu, franchement les designs sont sympas, les décors sont colorés, le gars qui a fait ça, la partie visuelle est géniale. Et puis comme disait Max tout à l'heure en off, généralement il y a une petite leçon, et au milieu de tout l'humour loufoque, qui donne il y a des blagues extrêmement bizarres et surréalistes qui peuvent être très drôles. Moi franchement c'est pas la série que je regarderais de manière assidue, mais je trouvais ça sympathique. Moi ça me fait penser à un autre truc que t'aimes bien, je sais pas si on en a déjà parlé, c'est je trouve que les designs font vraiment beaucoup penser au Super Nana. Le côté, l'ancrage un peu épais et tout, ça fait... Teen Titans Go ? Ouais. Ben ouais, un peu. Ça, disons que, par exemple, maintenant il y a une nouvelle série des Super Nanas. Ouais. S'ils avaient gardé l'intelligence des scénarios et des dialogues et des blagues de l'ancienne série Super Nana avec la qualité graphique de Teen Titans Go, la série serait géniale. Mais à la place, ils ont fait un truc qui ressemble à rien. Donc bon. D'accord. Et il y a une autre série qui est vraiment très très inspirée des Teen Titans et qui est dans le même esprit et que moi je vous conseille beaucoup, c'est Young Justice, c'est un peu des Teen Titans qui n'ont pas vraiment le nom puisque c'est il y a moins le côté Jap animation avec les expressions qui est exagérées du genre mes yeux qui explosent ou des trucs comme ça, mais ouais la série Young Justice était vachement bien fait, c'était plus sérieux, plus américain, ouais. Donc faut pas s'attendre à un truc très japonais ou très loufoque pour le coup. C'était beaucoup plus axé sérieux, justement, Young Justice. Ça fait plus penser à Justice League, en fait. Ouais, et c'était très bien fait comme truc. Ouais, c'est vraiment cool. Voilà, c'est ça, en fait. C'était Justice League, mais centré sur les plus jeunes, finalement. Avec la série qui va revenir en début 2018 sur une nouvelle plateforme de Warner, je sais plus comment elle s'appelle. Maxime me fait des gros yeux. Leur Netflix. Ouais, apparemment, il va y avoir un Netflix Warner. Ouais, Truc qui sert à rien, quoi. En même temps, tout ce qui est rapport avec Warner, ça va être ça. Non, mais je vais pas partir là-dessus, mais genre, pour Star Trek, il y a un Netflix d'Universal pour Star Trek. Pour tu fais une série, je sais pas, Mon Petit Poney, tu vas voir. Non, parce que la nouvelle série de Star Trek, elle est produite par Netflix. Oui, mais aux États-Unis, c'est distribué sur le truc d'Universal. Ah ouais ? Ouais. Il faut une chaîne Star Trek ? Apparemment. Enfin, non, mais tu vois, genre, c'est comme un truc de vidéo à la demande. Mm-hmm. Sauf que c'est exclusif. C'est que des trucs universels. Dessus, okay. T'auras ton épisode de Star Trek toutes les semaines. Je sais pas si ce serait judicieux de faire ça d'ailleurs, de vouloir camper toutes tes émissions sur une même. Bah, c'est comme Ubisoft avec son. Merde, comment ça s'appelle ? Avec Ubisoft Play. Ouais, Ubisoft Play, ouais, c'est la même chose, non ? C'est un peu le même délire. Ouais, parce que la force de Netflix, justement, c'était que ça touchait un peu dans tout et n'importe quoi. Je sais pas si c'est très utile de prendre tout ton catalogue perso de ton studio à toi et de les mettre sur une plateforme exprès pour. Enfin bon, on verra. Si des gens donnent de l'argent, pourquoi pas. Ouais. Et bah, nous, on va vous parler d'une autre d'une série, donc la série Rebirth. Donc vous en avez déjà un peu parlé, je crois que c'est moi qui en avais parlé dans l'émission spéciale Rebirth. Mais là, sort un tout nouveau format. Et en fait, c'est pas vraiment la série est très cool, moi j'ai trouvé vraiment très sympa, l'arc est vraiment cool, mais c'est plus le format qui me hype, et je trouve qu'il faut vraiment parler de ce format parce que je trouve que c'est la meilleure idée d'édition depuis super longtemps. On va commencer par parler de ça ou on finit par ça? On va peut-être commencer par parler de la série et après on parlera de l'édition. Ouais, c'est peut-être plus sympa. Donc c'est une série de Dan Abnett, donc que vous connaissez peut-être parce qu'il a bossé sur Les Gardiens de la Galaxie. Il a fait pas mal de trucs assez marquants chez Les Gardiens de la Galaxie, notamment tous les trucs que tu parlais dans Annihilation. Annihilation, tout ça, c'est Dan Abnett. Il avait un collaborateur à l'époque, Andy Lanning. Ouais. Mais oui, il était sur la grosse, ben, la totalité en fait. Et bon, bah, du coup, c'est un bon scénariste. Ah ouais, bah, en tout cas pour les Gardiens de la Galaxie, son duo avec Lanning, il était super. Et là, il n'est pas avec Lanning, il est avec Brett Booth, quelqu'un qui a déjà été sur du Flash, qui avait fait la suite de Manapool sur Flash. Bon. Il fait la suite de Manapool, donc forcément quand tu lis tu te dis ah mais c'est moins bien qu'en même temps passer après qui pourrait passer après Manapool, je ne sais pas. En tout cas moi j'avais été déçu de Brett Booth, mais sur ce titre là je l'avais trouvé assez sympa. Est-ce que Maxime tu veux parler vite fait du scénario? Oui si tu veux. Non, du coup ça prend de suite après l'event de Rebirth. Ouais. Du coup spoiler, Wally West est de retour. Et donc en fait après avoir rappelé à Flash qu'il était à Barry Allen plutôt qu'il était vivant, lui avoir retrouvé la mémoire, il va se dire bon ben après mon mentor il faut que j'aille voir mes potes et ma copine. Et donc il s'introduit chez Nightwing et il le touche et la force véloce rend sa mémoire à Nightwing. Et petit à petit il y a une espèce de quiproquo et tous ses amis retrouvent la mémoire et ils vont partir à la recherche de pourquoi il a disparu, qui lui aura volé. Oui, ils ont découvert qu'il y avait 10 ans de la vie de tout le monde qui avait été volé quoi. Voilà, et du coup je pense que c'est développé dans, ça sera développé dans ce que tu disais tout à l'heure dans, ouais, les news, dans The Button et dans The Clock. Ouais. Et donc en fait hop, il découvre très vite qu'en fait c'est un super vilain qui apparaît un peu, je trouve, comme un cheveu sur la soupe dans le comics, qui en fait c'est lui qui l'a. C'est un magicien du futur. C'est un magicien du futur, mais du passé à la fois. Kadabra, tout à fait, qui lui a fait perdre 10 ans de sa vie, mais ce n'est peut-être pas que lui qui lui a fait perdre ça. Ouais. Et donc ils ont suivi une grosse baston. Autour de. Avec un scénario, avec une résolution à base d'amitié et d'amour. Tu es en train de spoiler la fin, oui, c'est vrai que c'est un peu ça. Moi j'ai trouvé ça sympa, c'est sympathique parce que ça te, quand tu connais pas les Teen Titans, enfin les Titans, pour le coup c'est pas les Teen Titans, parce qu'il y a une autre série qui s'appelle Teen Titans Rebirth, c'est pas la même. Donc si tu connais pas les personnages des Titans, c'est assez cool. Si tu les connais, bah t'es content de les retrouver. On retrouve du coup un Aqualad, mais qui est pas le Aqualad de Young Justice, c'est un, je crois que c'est un Atlante lambda. Je connais pas, enfin j'ai pas, il y a un, ouais, ils en parlent pas trop. Ouais, il y a un éditorial avant le comics par Ruburn, mais malheureusement je peux plus le lire. Et normalement ça doit être excusé. Donc vous avez aussi Dana Troy, donc Dana Troy je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Wonder Girl, donc elle est liée avec Wonder Woman. Donc vous avez Arsenal, donc ancien Speedy, donc c'est le pote de, enfin qui est plus pote je crois avec Green Arrow. Donc il est devenu, si, un peu dans rebelle. Dans le comics, ils disent qu'ils sont potes. Ah, ils sont potes. Ok. Donc il est devenu un peu rebelle. Il a une casquette à l'envers et il a un bras en moins. Il a des tatouages. Et la tatouage, c'est cool. Et qui est d'autre comme personnage? Un espèce de fake Raven. J'ai zappé son nom. Olite, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Lilith, ouais. Lilith. Et c'est Martian Manhunter ou enfin c'est la non, c'est... absolument aucune idée. Non. Ouais, ils ont par contre, c'est ils ont pas trop super bien introduit les personnages. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut un soft reboot et à chaque fois c'est 15 ans après le début de leurs aventures et il y a marqué numéro 1 sur la couverture, mais techniquement c'est comme arriver au numéro 485 d'une série quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Tu chopes au milieu quoi. De ce scénario Sympa. J'ai trouvé ça, en fait comment dire, la BD en entière je l'ai trouvé classique, c'est-à-dire que c'est un peu l'archétype de la bande dessinée de super-héros, il n'y avait rien de particulièrement surprenant dedans. C'était pas mauvais, c'était ok. Et t'as déjà lu du Teen Titans toi? Non. Quoique, attends, un peu, ouais. En fait, j'avais surtout les adaptations comics du dessin animé. Et quand je suis passé aux versions originales, on va dire, comics de l'équipe, ça m'avait beaucoup moins plu. Il y avait beaucoup moins de personnalité dedans, finalement. Pour ce bouquin-là, c'était pour te donner une idée, en gros, si tu vois une ligne parfaitement horizontale. Et quand il y a du bien, elle monte, et quand il y a du mauvais, elle descend. Là, elle reste parfaitement horizontale du début à la fin. Ouais, donc c'est bon, enfin, c'est pas mauvais, mais c'est pas voilà. C'est pas génialissime. C'est classique. Voilà, c'est vraiment ça. C'est, comment dire, c'est aussi bien au niveau du dessin qu'au niveau du scénario. C'est typiquement le type de truc où quand on te dit bande dessinée super-héros à un néophyte, je pense qu'à mon avis, c'est le type de truc qu'il doit avoir dans sa tête en se disant, c'est un groupe de super-héros. Tu arrives au beau milieu de l'histoire parce qu'il y a 40 ans d'histoire derrière, et ensuite il se tape contre un méchant qui est un peu tiré un petit peu au pif, et puis voilà quoi. Okay. Et le dessin ressemble à Jim Lee. C'est on du va parler Jim Lee. Après du dessin, t'as peut-être quelque chose à dire au niveau du scénario. Est-ce que le Skull Comics t'a plu? T'as passé un bon moment en lisant ou... Ouais, enfin, je l'ai lu, enfin, je l'ai acheté pour l'émission parce que je pensais, enfin, j'allais pas l'acheter honnêtement. Puis ça se laisse lire. Honnêtement, je lui ai dit achète-le et si t'aimes pas, et ben bah, je te le rembourse et on l'offrira. Mais tu as dit que tu l'avais aimé, que tu le garderais donc. Oui, je le garderai parce que c'est pas mal et. Ça fait du bois pour le feu. je déconne. Non, mais bon, je me dis dans le crossover qui va arriver. Ça va être peut-être une des pierres angulaires et qu'il va falloir peut-être aller chercher là-dedans, tu vois. Donc je me dis, c'est un investissement pour le futur, tu vois. D'accord. Peut-être que les 6 autres vont être un peu mieux parce que là, c'est vraiment du début d'ongoing classique. C'est vraiment du classique. Tu veux parler peut-être du dessin et puis après on parlera d'édition. Classique. en fait, on dirait du Jim Lee. Dans le graphisme en fait. Après au niveau du découpage, il a tendance beaucoup à utiliser des cases en diagonale, un peu comme un éventail. Et c'est un peu un artifice que j'ai vu dans toute la bande dessinée. Je sais pas s'il considère ça comme son style ou quoi. Après bon, moi j'ai tendance à trouver ça un peu superflu sur les bords, mais ça marche hein, ça rend pas le truc illisible ni quoi que ce soit. En fait c'est que j'ai rien vu qui m'ait fait dire ça je m'en souviendrai, si tu veux. Donc j'ai rien trouvé qui soit mauvais. Putain, vous le vendez pas bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je préfère être honnête plutôt que de la jouer façon. Oui, t'as raison. Parce que je peux dire que quand je me ramène sur YouTube pour regarder une vidéo de critique d'un truc et que les gens sont en mode ouais, c'était génial alors qu'ils mentent et ça se voit. Enfin bon, voilà, il est pas mauvais et je pense que s'il y a des gens qui aiment cet univers et ces personnages, ils vont forcément trouver leur compte dedans. Et c'est juste qu'en fait, c'était pas. Comment dire, la priori de base m'intéressait pas particulièrement, ces personnages m'intéressaient pas particulièrement et l'exécution avait rien d'extraordinaire ou de particulier en fait. C'est vraiment comme on disait, c'est la BD super-héros classique quoi. Ok, bah moi j'ai vraiment kiffé, je passais un bon moment. En même temps, ça fait longtemps que j'avais envie de lire du Teen Titans. J'avais râlé plusieurs fois sur Twitter auprès de Urban que les New 52 ils en avaient pas publié, mais à ce qui paraît, la série était pas géniale. La série de Scott Lobdell, je crois, elle était pas géniale, mais du coup, j'étais content de découvrir ces personnages. Je trouvais que ça se lit vite. C'est un terme qui devait peut-être paraître péjoratif, mais qui ne l'est pas en fait. Je trouve que c'est un super comics de toilette en fait. Tu vas te poser, tu vas le lire, et voilà, ça va pas te faire réfléchir. Ça va pas te faire réfléchir, mais tu vas passer un bon moment. Et c'est un peu comme, bon, on en parlait juste avant, du G.I. Joe au cinéma, ou tu parlais de Fast and Furious. J'ai pas vu les Fast and Furious, mais c'est le genre de film que tu vas regarder comme ça pour te divertir sans vraiment dire. Ouais, c'était un peu ça. Encore que Fast and Furious, il y avait des petits articles. Enfin. Le 7 et 8, parce que c'est ce que je disais, les du 1 au 6, j'ai souffert, parce que c'était chiant possible, et à partir du 7, on dirait qu'ils ont compris quel type de film ils faisaient, et encore, il y avait des petits. Il y avait de la bonne réalisation derrière, en gros, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment compris le côté. Le dernier, c'est James Wan, je crois, qui est aussi. Ouais, on fait du film de bourrin, et il y a des scènes d'action, des trucs qui n'ont pas nécessairement beaucoup de sens, mais ils avaient une bonne réalisation derrière, c'était pas extraordinaire non plus. Et ouais, c'est un peu cet équivalent-là, quoi. C'est une BD qui se laisse lire, c'est du divertissement, il n'y a rien de particulièrement mémorable, mais c'est pas mauvais. Et moi, ce que j'ai dit au début, ce que je voulais vraiment en parler, de ce truc, c'est à cause de l'édition. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais c'est du kiosque, donc ça va être un petit format en souple que vous payerez que 6€. Et c'est tout un arc, je crois qu'il y a du 1 au. Est-ce que tu peux... Il y a 6 numéros. Il y a 6 numéros, vous avez 6 numéros d'un truc complet, ça se finit. Bon après comme c'est une ongoing vous avez des trucs après qui se finissent, mais vous avez tout un arc pour 6€ et il y a même 7 numéros, il y a le Titan Rebirth 1 et les 6 numéros qui suivent. Et je trouve que c'est vraiment vraiment très intelligent de la part de Urban de faire ça, parce que ça permet de pouvoir publier des trucs qui marcheraient peut-être pas en librairie, parce que je sais pas si ça marcherait en librairie et ça ferait pas peut-être super beaucoup de ventes, mais là au moins tous les mois vous allez avoir un arc d'un truc qui va changer un peu tous les mois. Le mois prochain c'est par exemple Bird of Prey. C'est Bad Girl in the Bird of Prey qui avait l'air vraiment très cool, et c'est peut-être des trucs qui moi me hype mais qui hyperont peut-être pas tout le monde, ils diront aimer pour 6€, je trouve ça vraiment intelligent de pouvoir se permettre d'offrir ça, et je trouve que c'est cool de la part de Durman. Non, vous avez pas de... Ah oui, non, mais après, enfin, c'est comme dire à quelqu'un qui est excellent qu'il est encore plus excellent parce qu'il a fait un truc excellent, tu vois. Enfin, je trouve qu'Urban sur l'édition Mais genre, ils ont plié le game et c'est eux, et c'est vraiment eux les maîtres. Et du coup, quand tu vois les trucs de Panini. Et du coup, Panini et Glénat, pendant les 5 ans qui ont suivi l'arrivée d'Urban, ils ont essayé de racoler. Maintenant, boum, il y a Rebirth, ils refont encore un truc un peu plus génial. Parce que du coup, tu l'as pas dit, mais le format est plus grand que les kiosques normaux. Ah ouais, j'ai même pas vu. Donc en fait, vous avez des dessins encore plus grands et plus beaux. Pas dans ce cas-là, mais... Ouais, mais je trouve même que l'objet est joli quand même. La couleur est sympa. Là oui, tu peux le mettre dans une bibliothèque, clairement, ça s'attache pas, quoi. Ouais. Je sais pas si t'as un avis un peu... Mais... ouais, ça va. C'est un casque, quoi. Ça vaut pas Putamadre. Ah. Putamadre, c'est le dernier bouquin que j'ai pris où je me suis dit, purée, c'est beau. Donc, oui, non, mais là, c'est un casque en même temps. Ouais, non, mais oui, ça va. C'est fonctionnel, je dirais. Franchement, pour 6€, ça vaut le coup. Ouais. J'ai tendance à préférer les bouquins avec un peu plus de rigidité, mais ouais, ça c'est vraiment un truc personnel en fait. Donc ouais, il est... Après, c'est sûr que comparé aux 5 et quelques de... les 4,50 de Panini avec un numéro de Civil War 2, ça te calme d'entrée. Souvent, en plus Panini, ils ont l'habitude de mettre un petit épisode de remplissage. Souvent des trucs qui sont offerts gratuitement. Je me souviendrai toute ma vie d'un truc de Spider-Man où dans le truc, il y avait un truc, pour remplir le numéro, il y avait un truc où Spider-Man faisait la promo du Pôle emploi de New York. Mais un truc qui avait rien à voir. Enfin, pourquoi publier un truc comme ça? Ça parlait pas surtout du tout ici. Au français, quoi. Et du coup, les gens qui lisent Panini en kiosque en VF et qui suivent Civil War 2, genre. Allez, mais lisez du DC, putain. Déjà, lisez du DC. Et puis, genre, vous achetez, donc tu payes tes 5€. Et donc, dedans, t'as un numéro de Civil War qui doit faire 16 pages. Et après, t'as un numéro qui sert à rien. Genre, Nick Fury qui se bat contre lui-même. Ouais, en tout cas, bon, bah voilà. Je pense qu'on va finir sur. Enfin, pour ça, par dire que, bah voilà, Urban, merci. Merci de faire des trucs cool comme ça. Est-ce que vous avez des attentes ou des coups de cœur récemment? Pas du tout préparé parce que je vous en ai pas parlé avant. Moi, j'en ai un petit, c'est American God. Je peux en parler après. Est-ce que Juni, t'as envie de parler d'un truc? Le dernier truc que j'ai découvert que j'aime beaucoup, Run the Jewels. C'est un groupe de rap américain, et en particulier l'un des deux rappeurs qui s'appelle Killer Mike, qui est un... Comment expliquer? En gros, le gars a grandi avec des activistes de l'époque de Martin Luther King. Ouais. Et il a une énorme connaissance au niveau politique, culturel, l'histoire des États-Unis, etc. Et toutes les interviews de ce mec sont furieusement intelligentes. Et tout ce qui concerne les abus de policiers aux États-Unis, la condition de telle ou telle communauté là-bas. Il a milité pour Bernie Sanders aussi parce qu'il a il retrouve pas mal de la pollution de la police de comment on appelle ça encore de la politique de Bernie Sanders dans ses convictions, et la manière dont il en parle est juste géniale. Et en fait, la musique qu'ils font est super, et les interviews sont toujours extrêmement enrichissantes parce qu'ils apprennent énormément de choses. Ok, bah peut-être qu'on passera un de leurs morceaux la semaine prochaine. Ouais. Pour te faire plaisir. T'as un coup de cœur ou un... Du coup, moi je me suis remis un peu au comics. J'ai lu Ultimate Spider-Man de Miles Morales et... J'ai cru que t'allais parler du truc de Bagley. Non, jamais. Je préférerais mourir que de parler de ce truc. Vas-y. Oui, du coup j'ai commencé l'omnibus qui est sorti chez Panini en octobre. Ouais. Oui, c'est le début de Miles Morales et je découvre le personnage et en fait je suis là... En fait, c'est le Spider-Man que j'aime trop ça en fait. J'ai lu peut-être pour l'instant 5-6 numéros. Et c'est juste le début, l'origin story où en fait il remet le costume de Peter Parker, il se fait lyncher dans les rues parce que Peter Parker c'est devenu un symbole de l'héroïsme. Ouais. Donc, du coup, il est là, il fait putain, il faut que je fasse un costume et tout. Franchement, c'est. Si vous voulez lire du Spider-Man, c'est énorme, c'est cher, mais c'est énorme. C'est qui au dessin là, sur... Piccoli. Ah. Ça c'est cool. Et moi, du coup, parce que tu m'as fait penser, j'ai maté les premiers épisodes de Dear White People sur Netflix et c'est assez cool. Bon, il y a des petits moments où il y a beaucoup de net dropping de trucs de culture, de culture américaine, surtout la culture de l'activisme black, tout ça, qui moi me parle pas du tout parce que j'ai pas du tout cette culture. Donc, je suis un peu paumé, mais l'ensemble du message et de la série est assez cool. C'est assez drôle. En plus, il y a des petites histoires. histoires, les petites histoires de cœur et tout, les histoires de autour des campus américains, c'est assez intéressant. Donc si vous avez envie de jeter un coup d'œil à cette série sur Netflix, vous pouvez y aller. Et je pense que c'est mon gros coup de cœur, la série qu'il faut absolument avoir vue cet été, c'est American God. Donc American God, c'est tiré d'un bouquin de Neil Gaiman. Donc Neil Gaiman, vous connaissez peut-être pour être le créateur de Sandman. Il a aussi qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des épisodes de Doctor Who. Coraline. Il a fait Coraline, oui, effectivement. Bon, c'est un super écrivain. Et là, il sort une série à la réalisation. Je sais pas si c'est lui qui réalise, mais en tout cas, c'est le showrunner. C'est Brian Fuller, c'est celui qui a fait Pushing Daisies, mais surtout qui a fait Hannibal, la série Hannibal. Si vous l'avez pas vu, jetez un coup d'œil à Hannibal. C'est pas sûr que vous allez aimer, mais c'est une très très grande série, très très esthétique. Là, on repart dans le même délire avec une série qui a un rythme un peu lent. Qui vous dévoile pas tout son univers, qui vous en met pas plein la gueule, mais qui dévoile au fur et à mesure des épisodes un univers vraiment dense avec plein de trucs. Enfin, pour les gens qui ne savent pas, c'est un mec qui sort de prison et qui va découvrir un monde caché derrière le monde avec les dieux, tous les dieux nordiques et les dieux existent vraiment. Genre, vous avez Odin, vous avez un léprechaun à un moment, un léprechaun, excusez-moi. Et en fait, Cone. Les Procones, oui. En français, c'est le prochain, je pense. Enfin, je sais pas. Parce que les Français prononcent n'importe comment. D'accord. Mais un truc, un exemple très cool, c'est dans l'épisode 2. Bon, je vais pas vous spoiler, mais il y a une famille qui arrive. Tu sais que c'est des dieux, mais ils vont pas te dire quel dieu c'est. Et en fait, c'est à toi, avec tous les symboles qu'il y a, tu vas devoir te faire chier à essayer de chercher pour savoir de qui on parle en fait. En plus, ils sont relativement obscurs ceux-là. Ouais. Ah, tu t'as regardé du coup ? Ouais. Est-ce que ça t'a plu ? Ah ouais, beaucoup. Vraiment beaucoup. Et puis en plus, je suis très mythologie et de toutes les religions possibles et imaginables. Est-ce que t'avais lu le bouquin ? Non, pas encore, mais je pense que je vais finir par... Alors, possiblement arrêter la série et lire le livre. Il y a un deuxième bouquin qui est encore plus intéressant qui s'appelle Anantine Boys, qui ouais. parle le dieu qu'on voit dans l'épisode 2. Ouais, c'est un dieu araignée de culture ouest africaine. Et donc il y a lui, il y a aussi des dieux irlandais, il y a des dieux slaves, il y a des dieux nordiques, il y a une déesse qui est... Alors, c'est la reine de Saba, non ? Alors elle, justement, c'est un peu flou parce qu'elle est présente dans la religion musulmane, elle est présente aussi dans les religions qu'il y a eu avant, mythes mésopotamiens, un truc de ce style. Bon, comment dire, vu que les religions ont tendance à se pomper les unes les autres en permanence, il y a des trucs que tu vas retrouver dans la Bible ou dans le Coran ou autre que tu auras retrouvé des centaines de milliers d'années avant chez d'autres gars. Donc c'est des personnages qui traversent les âges en fait, et justement cet aspect-là est bien présent dans la série. Ouais, bah là, c'est des dieux qui ont traversé les âges et qui ont eu beaucoup d'érosion. Ouais. Ils font beaucoup référence à ça. Et le truc, c'est qu'ils en parlent comme s'ils étaient juste des personnes normales qui avaient juste eu une vie longue et compliquée. Et en fait, ils te disent des trucs et tu te rends compte au fur et à mesure, quand tu découvres qui ils sont, que en fait, un événement qui avait l'air totalement anodin, en fait, c'est passé il y a des centaines de milliers d'années et t'avais juste pas tilté jusque-là. Et c'est vraiment bien fait. Et je trouve que le personnage principal qui est joué par je sais plus son nom, c'est un acteur vraiment très très cool. Je trouve qu'il arrive, il a la subtilité. C'est quelqu'un qui vient de perdre sa femme et je trouve que la façon dont il fait son deuil est vraiment cool. Même si t'as oublié de préciser un truc quand même. Oui, non, mais parce qu'il y a pas, il y a pas que les vieux dieux. Il y a les nouveaux aussi. Oui, et nouveaux franchement, dieux, c'est même l'élément que je trouve le plus intéressant, le plus original et qui, à mon avis, attirera le plus les gens, parce que ce genre de concept, ça a déjà été fait, de prendre des personnages de fiction, de mythologie et autres, et en faire des vrais gens. Là, l'intérêt, c'est qu'il y a les vieux dieux. Ils sont vieux confrontés dieux, aux et il y a les nouveaux dieux qui sont basés sur des trucs d'aujourd'hui. Donc, il y a la déesse média, il y a le dieu de la technologie, il y a le dieu d'internet et des trucs comme ça. Et ils sont en conflit avec les vieux. Et c'est vraiment l'intérêt, c'est vraiment l'axe le plus intéressant finalement. Il y a Gillian Anderson, donc Scully, pour les gens qui ne sauraient pas qui c'est. Qui joue le dieu des médias et son apparition est vraiment géniale. Enfin, allez jeter un coup d'œil à cette série. Encore une fois, c'est pas sûr que vous allez aimer parce que c'est un rythme particulier, mais au moins regardez le pilote. C'est vraiment très très cool. Moi, j'ai trouvé ça vraiment vraiment super sympa. Excusez-moi. Et je crois qu'on va finir là-dessus. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur le site comicsdiscovery.fr. La semaine prochaine, on a la chance d'avoir un invité puisqu'on va recevoir Axel de Le Dernier Créneau, qui est une émission qui passe le lundi d'ailleurs. On vous mettra le lien sur Facebook. Allez nous suivre sur Twitter, sur Facebook. Et on finit avec une chanson de Gardien de la Galaxie. Et j'ai oublié de noter le titre. C'est Brandy de Looking Ouais, voilà, Glass. C'est Brandy, Brandy Your Fan Girl de Looking Glass. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye bye. In this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, Brandy, fetch another round. She serves them whiskey and wine. They say, Brandy, you're a fine girl. You're a fine girl. What a good wife you would be. Such a fine girl. Yeah, your eyes could steal a sailor from the sea. Brandy wears a braided chain made of finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day, bringing gifts from far away. But he made it clear he couldn't stay. No harbor was his home. The sailor said, Brandy, you're a fine girl. Closed down, Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, Brandy, you're a fine girl. You're a fine.